Book 2 95 95 2 Conjonction 2 Conjonction 2 منذ متى لم تعد هي تشتغل؟ Depuis quand ne travaille-t-elle plus? Depuis quand ne travaille-t-elle plus? منذ زواجها؟ Depuis son mariage? Depuis son mariage? نعم، هي لم تعد تشتغل منذ أن قد تزوجت. Oui, elle ne travaille plus depuis qu'elle s'est mariée. Oui. Elle ne travaille plus depuis qu'elle s'est mariée. منذ أن قد تزوجت لم تعد هي تشتغل. Depuis qu'elle s'est mariée, elle ne travaille plus. Depuis qu'elle s'est mariée, elle ne travaille plus. منذ أن تعرف أصبح سعيدين. Depuis qu'ils se connaissent, ils sont heureux. Depuis qu'ils se connaissent, ils sont heureux. منذ أن أصبح لهما أطفال، صار نادر ما يخرجون. Depuis qu'ils ont des enfants, ils sortent rarement. Depuis qu'ils ont des enfants, ils sortent rarement. متى تتصل هي بالتليفون؟ Quand téléphone-t-elle? Quand téléphone-t-elle? هل أثناء السير؟ Pendant le trajet? Pendant le trajet? نعم، أثناء ما هي تقود السيارة. Oui, en conduisant. Oui, en conduisant. هي تتكلم بالتليفون أثناء ما هي تقود السيارة. Elle téléphone en conduisant. Elle téléphone en conduisant. هي تشاهد التلفزيون أثناء ما هي تكوي. Elle regarde la télévision en repassant. Elle regarde la télévision en repassant. هي تسمع الموسيقى أثناء ما هي تعمل واجباتها. Elle écoute de la musique en faisant ses devoirs. Elle écoute de la musique en faisant ses devoirs. لا أرى شيئاً عندما أكون بلا نظارة. Je ne vois rien lorsque je n'ai pas de lunettes. Je ne vois rien lorsque je n'ai pas de lunettes. لا أفهم شيئاً. عندما تكون الموسيقى هكذا عالية. Je ne comprends rien quand la musique est trop forte. Je ne comprends rien quand la musique est trop forte. لا أشم شيئاً عندما يكون عندي زكام. Je ne sens rien lorsque j'ai un rhume. Je ne sens rien lorsque j'ai un rhume. سنأخذ سيارة أجرة إن هي أمطرت. Nous prendrons un taxi s'il pleut. Nous prendrons un taxi s'il pleut. سنسافر حول العالم إن نحن ربحنا في اليانصيب. Nous ferons le tour du monde si nous gagnons à la loterie. Nous ferons le tour du monde si nous gagnons à la loterie. سنبدأ بالأكل إن لم يأتي بعد قليل. Nous commencerons le repas s'il n'arrive pas bientôt. Nous commencerons le repas s'il n'arrive pas bientôt. الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.